J'en ai que du feu. Je vais enregistrer un peu l'ambiance du feu. Oui, mais il faut faire la queue derrière là. Ça fait une heure que j'attends. Moi j'enregistre l'ambiance dans la chaîne. Ouais, en fait, faut que on sait pas trop.